suis sur une route de campagne assez étroite et quasiment sans marquage au sol. J'ai raison de rouler avec les feux de route. Mais je dois rester vigilant. Un véhicule entre dans le virage. J'aperçois le faisceau de ses feux. Inutile de rester plus longtemps en feu de route. Pour ne pas l'éblouir, je passe en feu de croisement et je ralentis pour tenir compte de la baisse de visibilité. Réponse B.